Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs. Alors, hein, nous voici dans le bureau où je réalise chaque jour la revue de presse JV. Mon bon vieux Mac de presque 7 ans d'âge, qui a un peu de mal en ce moment, mais bon voilà, c'est un bon vieux camarade qui ne me déçoit pas. Une petite vidéo, donc une version audio hein, sur tous les flux habituels, pour déjà vous remercier du succès de ce podcast, enfin du succès en tout cas à mon niveau, puisque là, sur les 30 derniers jours, on est quasiment à 25 000 téléchargements. Et donc, c'est pour un podcast qui existe depuis seulement le 25 septembre 2017. Je trouve que ces chiffres sont assez encourageants, ça monte toujours très très, ça monte régulièrement quoi, voilà. Donc vraiment merci à vous pour cela. J'avais un message important à vous dire, pas de panique parce que je sais que certains tout de suite vont se poser des questions. Non, l'émission ne s'arrête pas, bien au contraire. C'était un message en fait pour vous reparler de ma situation. Alors vous savez, je suis toujours un petit peu embêté à chaque fois de remettre ça sur le tapis, puisque j'ai toujours peur, hein, notamment sur les réseaux sociaux, de saouler tout le monde avec ça, d'en faire toujours un peu trop. Donc là, je préfère directement passer par ce message-là. Comme ça, si vous avez envie de l'écouter jusqu'au bout, merci à vous, déjà d'abord. Et puis si vous avez envie de couper, il n'y a pas de problème. Vous coupez et puis je ne vous spamme pas votre fil Twitter ou votre mur d'actu Facebook. Donc vous savez que j'ai une situation un petit peu particulière, hein. Je travaillais en télétravail, j'ai perdu mon boulot donc il y a quelques mois de cela en télétravail, mon fils étant autiste Asperger, je dois m'occuper de lui à la maison, alors il est scolarisé bien sûr, mais je vais le chercher à l'école, je l'amène à l'école, matin, midi et soir, il y a les rendez-vous médicaux chaque semaine, malgré le fait qu'on se bat au quotidien avec mon épouse hein, pour... qu'il s'adapte le plus facilement et le plus naturellement possible à une sociabilité, je dirais, classique, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme du tout. Je n'aime pas trop tout ce qui est classique, mais malgré tout, il faut quand même garder, même s'il fait beaucoup d'efforts, qu'on lui en demande beaucoup aussi, il faut qu'il garde quand même un certain équilibre. Et donc voilà, c'est de là qu'est parti le projet de la revue de presse JV, de faire un podcast quotidien que les auditeurs puissent écouter chaque matin ou après dans la journée comme ils veulent, mais en tout cas avec les news gaming que je vais chercher, non pas seulement que sur les gros sites, mais aussi sur la presse généraliste, sur les sites étrangers, parce que je sais que l'anglais, ça peut poser souci à certains, et donc j'essaye de traduire aussi pas mal de news, de magazines aussi anglo-saxons. Bref, essayer de faire un panaché de l'actu gaming qui ressemble pas trop à ce qu'on trouve ailleurs et que vous ayez tous les matins dans les esgourdes. Donc j'avais ouvert un Tipeee en parallèle au mois d'octobre pour vous demander votre aide, pour pousser l'émission encore plus loin et pourquoi pas que ça me fasse une sorte de simili-salaire, que ça devienne un boulot à plein temps. Ce serait formidable puisque je rappelle que pour l'émission, je me lève à 5h30 chaque matin. Et on va dire que si j'arrive à bien boucler ma journée, c'est bouclé vers 21h, 22h, mais un jour sur deux, ça va plus vers les 23h, minuit. Donc, c'est un boulot à plein temps, finalement. Alors, je sais que je n'ai rien demandé, je ne suis pas une association caritative ou quoi ou qu'est-ce, ce n'est pas grave. Bien évidemment, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. D'ailleurs, vous êtes plus de 50, à plus de 300€ donc mensuels à avoir adhéré. Je rappelle qu'il y a des contreparties qui sont quand même sympathiques, à savoir une émission inédite hein, pour les tipeurs, pour les mécènes, chaque samedi, avec une rubrique inédite, revue de presse rétro, hein, où je reviens sur des vieux articles que je déniche dans mes vieux magazines, qui ont une résonance bien sûr hein, avec l'actualité. Il y a aussi le fait de participer à la grande revue de presse, j'y vais chaque mois à mes côtés, hein, via Skype, ou là récemment le Discord, des news exclusives, bref, pas mal de petites choses, et je réfléchis encore d'ailleurs à d'autres contreparties. Donc déjà la situation était financièrement pas facile, hein, puisque étant indépendant, j'ai le droit à rien, j'ai pas de chômage, j'ai rien du tout, voilà, heureusement que mon épouse travaille, et d'ailleurs je tenais à la remercier vraiment pour son soutien hein, au niveau de ce projet qui est assez inédit, hein, il faut le dire. Donc la situation était déjà pas facile et pour vous la faire courte, il va falloir, alors on est en location, hein, dans un petit pavillon dans le 77. Et pour vous la faire court, le propriétaire va vendre, ce qui est tout à fait dans son droit, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais disons qu'après peut-être un manque de communication et un concours de circonstances fait que nous devons trouver un nouveau logement avant la fin de notre bail, donc qui est calé à septembre 2018, donc septembre de cette année. Donc grosso modo, ça nous laisse 6 bons mois pour bouger. Alors là n'est pas le problème, hein. On va essayer de rester dans le coin pour pas perturber donc le fiston, pour qu'il reste dans la même école. Tout du moins, on va demander une dérogation à ce niveau-là. Le truc, c'est qu'au niveau de mon dossier, bah moi, voilà, j'ai que les 300 euros du Tipeee là, qui tombent. Et encore, ça a atteint 300 euros très récemment. Mon épouse travaille, mais est en CDD. Donc, pour monter un dossier pour une nouvelle location, le fait de bouger ne nous pose aucun souci. Il n'y a aucun problème. On a toujours eu, de toute façon, la bougeotte. Ça ne va pas nous changer. C'est juste que pour se faire accepter au niveau d'une agence, c'est un petit peu tendu. Et donc, bah, moi, de mon côté, plus je ramène, mieux c'est. Donc, c'est pour cela qu'il est important de vraiment faire connaître l'émission au plus grand nombre. Alors, je sais que je martèle ça dans l'émission chaque jour et je suis vraiment désolé si je suis gonflant avec ça. Mais là, j'aimerais vraiment qu'on frappe un grand coup. Vraiment, si vous aimez l'émission, que vous voulez la pousser au maximum, car je le répète, il n'est pas question de l'arrêter. Je la continuerai quoi qu'il arrive. Mais évidemment, ma situation financière est quand même liée au bien-être de l'émission, je dirais. Et mieux ça va, et mieux l'émission se porte. C'est lié, fatalement. Du coup, j'ai rajouté un objectif sur la page Tipeee. Ça ne change rien aux types qui sont mis en place. Ça ne change rien aux contreparties, aux bonus. Ça, rien ne bouge là-dessus. Il n'y a aucun problème. C'est juste visuellement une indication en plus en fait, que j'ai ajouté sur le Tipeee avec un objectif rêvé d'approcher à peu près les 1000 euros par mois, ce qui me permettrait au niveau du dossier de montrer que j'amène quand même une certaine somme par mois et pour nous donner toutes les chances de pouvoir louer trouver un petit nid sympathique pour la petite famille, je dirais avec le moins de difficultés possible. Donc voilà, il faut frapper un grand coup, faire connaître l'émission le plus possible si vous l'aimez, que vous soyez tipeur ou pas. Le but n'est pas de dire à ceux qui ne sont pas tipeurs, qui ne sont pas contributeurs, de dire allez-y, allez, cliquez. Non. Si ne serait-ce que, je dirais même, 1000 auditeurs donneraient 1 euro par mois, c'est vrai qu'un euro, c'est vraiment pas grand-chose, je serais déjà, on va dire, sorti d'affaires quelque part. Donc le but, c'est pas du tout de vouloir matraquer, juste que, voilà, si vous pouvez vraiment, vous êtes très nombreux à écouter l'émission. Je sais très bien qu'on a tous nos vies, on a tous nos soucis. Ça, je comprends tout à fait, mais c'est un petit clic, un petit RT, ça ne mange pas de pain, c'est très rapide. Si vous pouviez vraiment partager un maximum, voilà, faire vraiment une sorte de campagne de communication ensemble, fraternelle, je dirais, autour de l'émission, ce serait formidable, car l'émission plaît, elle est encore certainement perfectible, il y a encore plein de choses à améliorer, j'y travaille au jour le jour, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit engouement derrière cette émission. Il y a une petite communauté qui se crée, je le vois sur Twitter ou sur le Discord. Merci Mopral encore, hein, qui s'est monté derrière l'émission. Si vous connaissez des comptes influents, des gens influents sur Twitter qui seraient susceptibles de faire connaître l'émission un peu plus, si ça leur plaît, bien sûr, n'hésitez pas à leur demander de partager, si ça ne les embête pas, bien sûr. Si vous avez des idées pour faire connaître plus le podcast, je suis évidemment preneur, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez des idées de nouvelles contreparties pour un type qui serait supérieur à 10 euros, hein, pour un don qui serait supérieur à 10 euros, vu que là on a des paliers à 1, 3, 5, 10 euros, éventuellement pour un type à 15 euros, si vous avez des idées, alors peut-être pas encore d'émissions inédites parce que j'en fais énormément et là au niveau du timing il me reste plus beaucoup de temps libre, sinon je dormirai plus carrément toutes les nuits, mais déjà que je dors peu, mais si vous avez des idées de quelque chose que je pourrais faire, j'ai vu passer pas mal d'idées, des t-shirts, des mugs, je vois des cartes postales, mais bon, je trouve ça un peu classique, je sais pas, alors c'est pas une humilité ou une modestie, une fausse modestie là-dessus, c'est que Je vois pas l'intérêt d'envoyer une petite carte ou un mug à l'effigie de l'émission. J'ai l'impression que ça fait un peu trop, je me la pète, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque et ça plairait peut-être, je sais pas. Donc à vous de me dire. En tout cas, voilà, merci au fond du cœur vraiment pour votre soutien au quotidien. Vraiment, ceux qui sont là depuis le début, qui supportent l'émission, qui partagent un max, qu'ils soient tipeurs ou pas, ceux qui supportent l'émission depuis le début, vraiment, merci à vous. Ça, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait, ce que vous faites encore actuellement et ce que vous ferez certainement encore. Je le répète, mon but vraiment, c'est de pousser l'émission toujours plus loin, de ne pas l'abandonner, bien au contraire. Je veux qu'elle s'installe durablement dans le temps. Je crois à ce format, à ce podcast quotidien jeux vidéo. J'y crois vraiment à mort. Et pour l'instant, des débuts certes modestes hein, par rapport à des gros, mais pour un petit podcast indépendant qui s'est lancé depuis 4-5 mois, les chiffres me donnent pour l'instant raison, en tout cas. Et vos retours me poussent toujours à aller plus loin. Donc voilà, le but, c'est là, c'est vraiment de frapper un grand coup, de faire connaître l'émission. J'ai vraiment besoin de vous, car je ne vous cache pas qu'avec ce déménagement qui arrive, on n'a que quelques mois pour se retourner. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Ça ne met pas en péril l'émission, bien sûr que non, mais ça va me la faire réaliser dans des conditions encore plus difficiles. C'est assez chaud, je vous le cache pas. Donc voilà, j'ai besoin de vous. J'espère que ce message ne sera pas mal pris. Je le répète, il y a des causes beaucoup plus importantes. Donc je vous remercie, je vous embête pas plus longtemps que ça. Je vous remercie de partager, que ce soit la version vidéo, la version audio. C'est hyper important. Et voilà, j'aimerais vraiment qu'on s'entraide et qu'on frappe vraiment un grand coup en ce mois de février. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et bah, je suis disponible, hein, comme d'hab, sur le compte Twitter, @revuedepresse. J'y vais tout coller. Le Discord, le Facebook, bref, vous le savez. Je suis là, je ne suis qu'amour, comme je le dis. Et donc, bah, j'attends vos commentaires, vos idées, et voilà, il faut qu'on frappe un grand coup. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis donc bah, dès demain hein, pour la nouvelle édition de la revue de presse JV. Merci, bye bye.